Dans la lutte qui s'engage, la reine mère n'a en vue ni la défense de la religion, ni même l'intérêt du roi. Ce qu'elle cherche dans cette guerre, c'est le moyen de faire briller le duc d'Anjou, son fils préféré. Elle avance et recule tour à tour. Après avoir fait confisquer les biens de Coligny, après avoir mis à prix la tête de l'amiral, elle accueille ses propositions de paix lorsqu'il marche sur Paris. Le traité de Saint-Germain est signé. Catherine se souvient-elle toujours de l'avis que lui avait naguère donné le duc d'Albe ? Un bon saumon vaut mieux que 100 grenouilles. Est-ce pour mieux prendre Coligny dans ses filets qu'elle s'est rapprochée de lui ? Il semble difficile de prononcer en pareille matière. Rien ne ressemble plus à la fausseté que cette indécision qui fait passer d'une résolution à une autre. Quoi qu'il en soit, c'est bien à cette période de la vie de la reine que peut s'appliquer ce mot de Charles IX à Coligny. C'est la plus grande brouillonne de la terre. L'ascendant que l'amiral prend sur le roi devient pour lui une sentence de mort. La reine-mère ne souffrira pas qu'une influence étrangère lui enlève sa domination. Catherine tente de faire assassiner Coligny. L'amiral n'est que blessé, et cet événement redouble la filiale vénération que le roi lui témoigne. Les Guises seuls sont accusés de cette tentative de meurtre. Mais si la grande victime guérit, la reine se sent perdue. C'est alors qu'avec son complice, Henri d'Anjou, elle ourdit la trame de la Saint-Barthélemy. Avec quel art perfide elle cherche à surprendre le consentement du roi. Elle connaît ce caractère faible, violent, orgueilleux. Elle montre à Charles IX l'amiral armant contre lui les Huguenots. Elle lui rappelle qu'une fois dans son enfance, lui le roi a dû fuir devant ses sujets révoltés. Enfin, elle frappe le dernier coup. Elle nomme à son fils les véritables assassins de l'amiral. Les Huguenots demandent vengeance sur les Guises. Eh bien, vous ne pouvez sacrifier les Guises, car ils se disculperont en accusant votre mère et votre frère. Et ils nous accuseront à juste titre. C'est nous qui avons frappé l'amiral pour sauver le roi. Il faut que le roi achève l'œuvre, ou lui et nous sommes perdus. D'abord ivre de fureur, Charles tombe dans un profond accablement. Cependant, il résiste toujours. Mais mon honneur, mais mes amis, l'amiral. Ces mots entrecoupés trahissaient les angoisses du malheureux prince, et Catherine poursuivait son œuvre infernale. Après avoir demandé à son fils la permission de se séparer de lui, elle lui jette cette insultante parole. « Sire, est-ce par peur des Huguenots que vous refusez ?» Sous cet outrage, le roi bondit. « Par la mort Dieu, puisque vous trouvez bon qu'on tue l'amiral, je le veux, mais aussi tous les Huguenots de France, afin qu'il n'en demeure pas un qui puisse me le reprocher après. Par la mort Dieu, donnez-y ordre promptement. » Ces mots prononcés dans le délire de la fureur sont l'arrêt de mort des protestants qui s'endorment dans la fausse sécurité que leur inspire le mariage du roi de Navarre avec la sœur de Charles IX. La jeune mariée ignore les sinistres projets qui auront leur dénouement le lendemain. Catherine sacrifie maintenant jusqu'à sa fille à son ambition. Malgré les larmes de la duchesse de Lorraine, sœur de Marguerite, elle envoie la jeune femme auprès de son mari afin d'éloigner tout soupçon. Elle l'expose ainsi aux représailles des Huguenots. Mais que lui importe ? Voilà ce que la politique a fait de cette mère autrefois si pleine de sollicitude pour ses enfants. C'est la nuit. Bientôt la cloche du palais va annoncer les sanglantes matines de Paris. Le roi et ses deux conseillers, Catherine et le duc d'Anjou, sont au portail du Louvre, vers Saint-Germain-l'Auxerrois. Ils vont assister au prélude de l'horrible tragédie dont ils sont les auteurs. Suivant une version, Charles IX se serait senti faiblir, et alors la reine-mère, pour prévenir un contre-ordre, aurait avancé le signal et fait sonner la grosse cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois. D'après le duc d'Anjou, une autre scène aurait eu lieu. En entendant un coup de feu tiré dans la nuit, les trois complices, pris d'épouvante, auraient mesuré les effroyables proportions de leur crime, et tous trois auraient donné un contre-ordre, venu trop tard. La boucherie avait commencé. Si le récit du duc d'Anjou est exact, il concorde bien avec le caractère vacillant de la reine-mère. Tandis que Catherine, entraînant le roi à une fenêtre, le repaissait de la vue du sang, une douce et pure jeune femme dormait dans son appartement du Louvre. C'était la reine de France, Élisabeth d'Autriche. Elle ignorait tout. Et lorsqu'à son réveil elle apprit ce qui se passait, « Hélas !» dit-elle soudain, « le roi, mon mari, le sait-il ? » « Oui, madame, » répondit-on, « C'est lui-même qui le fait faire. « Oh mon Dieu » s'écria-t-elle, « qu'est-ce ci? Et quels conseillers sont là qui lui ont donné tel avis? Mon Dieu, je te supplie et te requiers de lui vouloir pardonner, car si tu n'en as pitié, j'ai grand peur que cette offense lui soit mal pardonnable. » Et soudain demanda ses heures et se mit en oraison et à prier Dieu, la larme à l'œil. Cette pieuse jeune femme, qui supplie le Christ d'être miséricordieux au bourreau, voilà le seul spectacle qui nous repose de tant d'horreurs. Avec Élisabeth d'Autriche, nous entendons l'unique protestation qui, dans ce palais souillé, fasse vibrer la voix de l'Évangile. Grâce à Dieu, cette protestation était due à une femme restée femme, et que nous aimons à opposer à la femme politique qui imprimait sur la race des Valois la tache sanglante que rien ne saurait effacer de l'histoire, mais que les pleurs et les prières d'Élisabeth essayaient d'effacer devant Dieu. Catherine de Médicis a sacrifié la paix de l'État, le sang des Français à sa peur, à son égoïsme, enfin à sa préférence maternelle pour le duc d'Anjou. Devenu roi, c'est par un juste retour de la Providence, ce fils même qui la châtiera. Elle l'a reproduit à son image, elle lui a donné son égoïsme, sa dissimulation. Il retournera contre elle les vices qu'elle lui a inculqués. Il l'éloignera de ses conseils, elle le verra déshonorer la royauté par sa lâche attitude. Cette royauté que Charles IX a fait nager dans le sang, Henri III la plongera dans la boue. Catherine de Médicis est réduite à reporter ses dernières espérances sur la Ligue, que dirigent les mortels ennemis de ce fils tant aimé naguère. Mais avec la Ligue, elle a une lointaine perspective de domination. La duchesse de Lorraine est sa fille, et si un fils de cette princesse succède à Henri III, l'aïeul pourra encore gouverner. Dans la tumultueuse journée des barricades, c'est Catherine qui négocie la paix avec le duc de Guise. Dernière consolation, qui reste à son amour-propre tant humilié d'ailleurs. Mais bientôt, Henri III fait assassiner les Guises, et le cardinal de Bourbon, fait prisonnier, jette à la face de Catherine la responsabilité de tous ses malheurs. Bouleversée, la vieille reine meurt de saisissement. Suivant la remarque d'un historien moderne, Catherine de Médicis, quand ses intérêts ne s'y opposaient pas, avait voulu poursuivre un double but, qui ne lui fut pas donné d'atteindre, l'abaissement de la maison d'Autriche, l'abaissement de la féodalité. Mais en poursuivant ce but par des moyens bas et perfides, en le subordonnant surtout à ses passions, à son égoïsme, elle le manqua. Qu'est-ce que Catherine de Médicis a donné à la France? Deux assassins, c'étaient ses fils et la Saint-Barthélemy, c'était son œuvre. Que de crimes lui eussent été épargnés, que de deuil et de honte eussent été épargnés à la France, si elle n'avait jamais eu entre les mains l'arme du pouvoir. Au XVIe siècle, la violence est le caractère dominant de l'influence qu'exercent les femmes. Cette violence ne fut-elle pas dans leur caractère? Elle y est mise par les luttes auxquelles elles sont mêlées. En voici une douce et généreuse entre toutes, Anne d'Est, femme du duc François de Guise. Après la conspiration d'Amboise, elle n'a pu supporter l'horrible spectacle auquel la cour se délecte, le supplice des conspirés. Elle s'éloigne en sanglotant, et comme la reine mère lui demande pourquoi elle se livre à une telle douleur, « J'en ai, répondit-elle, toutes les occasions du monde, car je viens de voir la plus piteuse tragédie et étrange cruauté à l'effusion du sang innocent et des bons sujets du roi, que je ne doute point qu'en bref un grand malheur ne tombe sur notre maison, et que Dieu ne nous extermine de tout, pour les cruautés et inhumanités qui s'exercent. C'est une femme catholique qui pleure sur les Huguenots persécutés. C'est une épouse, une mère qui redoute le châtiment que la Providence fait tomber sur les persécuteurs. Et c'est peut-être aussi une fille qui se souvient de sa mère. La duchesse de Guise était née d'une protestante, Renée de France, duchesse de Ferrare. Lorsque le duc François prépare des mesures rigoureuses contre Orléans, la généreuse duchesse va vers lui pour le fléchir. Mais en allant la voir dans un château situé près du camp, le duc est frappé par un assassin. Il est transporté auprès de sa femme. À cet aspect, l'épouse a un cri de vindicative douleur. François de Guise lui rappelle qu'à Dieu seul appartient la vengeance. Et dans son admirable mort de héros chrétien, il n'a que des paroles de miséricorde et de paix. Mais la duchesse, elle, ne pardonne pas. Ce n'est plus la femme magnanime qui détourne ses regards d'une sanglante exécution et qui intercède pour des vaincus. Non, c'est une épouse tout entière à la vengeance de son mari. le supplice de l'assassin ne lui suffit pas. Derrière Poltrot de Méré, elle voit Coligny, qui n'a pas fait commettre le crime cependant, mais qui en connaissait le projet et n'en a pas empêché l'exécution. Même remariée au duc de Nemours, la duchesse de Guise poursuit la vengeance de son premier mari. Elle est la complice de la reine-mère pour la tentative d'assassinat qui précède la Saint-Barthélemy. Un de ses fils juge que de sa propre main, elle tuerait l'amiral. Elle apporte dans sa tendresse maternelle toute la passion de son homme. Elle anime Henri de Guise, son fils, dans l'œuvre qu'il poursuit, la formation de la Ligue. Quand les Guises sont assassinés, elle est prisonnière, et cependant elle jette à Henri III toutes les malédictions qu'une mère peut fulminer contre les meurtriers de ses fils. Rendue à la liberté pour être une messagère de paix auprès des chefs de la Ligue, elle leur transmet les propositions dont elle est chargée. Mais lorsque son fils, le duc de Mayenne, lui demande si elle lui conseille de les accepter, elle l'exhorte à ne prendre conseil que de son cœur et de sa conscience. Il la comprend. Et sa fille, la duchesse de Montpensier, l'âme de la Ligue, elle s'est vantée de porter à la ceinture les ciseaux qui devaient donner à Henri III, successivement roi de Pologne et roi de France, une troisième couronne. Quand ses frères ont été assassinés, elle fait plus. C'est elle qui arme le bras de Jacques Clément. Et sa mère et elle, parcourant dans leur carrosse les rues de Paris, annoncent elles-mêmes au peuple la bonne nouvelle, l'assassinat du roi. La duchesse de Montpensier a donné auparavant un chef à cette ligue, qui avait exalté le spectacle de sa douleur fraternelle. C'est elle qui a cherché à Dijon Mayenne son frère, et elle l'a conduit à Paris, en triomphe. S'il l'avait écouté, il aurait saisi la couronne de France. Même farouche énergie chez les femmes des Huguenots. Elles ne savent pas seulement mourir avec héroïsme, elles animent à la lutte les combattants. Qui décide Coligny à vaincre l'horreur que lui inspire la guerre civile? Une femme d'un grand cœur cependant, mais qu'anime l'ardent esprit des sectaires. Une nuit, l'amiral est réveillé par les sanglots de sa compagne, Charles de Laval. « Je tremble de peur que telle prudence soit des enfants du siècle, et qu'être tant sage pour les hommes ne soit pas être sage à Dieu. Qui vous a donné la science de capitaine? Pouvez-vous en conscience en refuser l'usage à ses enfants? L'épée de chevalier que vous portez est-elle pour opprimer les affligés ou pour les arracher des ongles des tyrans? Monsieur, j'ai sur le cœur tant de sang versé des nôtres. Ce sang et votre femme crient au ciel vers Dieu, contre vous, que vous serez meurtrier de ceux que vous n'empêchez point d'être meurtri. Mettez la main sur votre sein, répondit l'amiral. Sondez à bon escient votre inconstance, si elle pourra digérer les déroutes générales. Les opprobes de vos ennemis et ceux de vos partisans, les reproches que font ordinairement les peuples quand ils jugent les causes par les mauvais succès. Les trahisons, des vôtres, la fuite, l'exil en pays étrange, votre honte, votre nudité, votre faim, et ce qui est plus dur, celle de vos enfants. Tâtez encore si vous pouvez supporter votre mort par un bourreau, après avoir vu votre mari traîné et exposé à l'ignominie du vulgaire. Et pour fin, vos enfants, infâmes valets de vos ennemis. Je vous donne 3 semaines pour vous éprouver, et quand vous serez à bon escient fortifié contre tels accidents, je m'en irai périr avec vous et avec nos amis. » L'amiral répliqua, « Ces 3 semaines sont achevées. Vous ne serez jamais vaincu par la vertu de vos ennemis. Usez de la vôtre, et ne mettez point sur votre tête les morts de 3 semaines. Je vous somme au nom de Dieu de ne nous frauder plus, ou je serai témoin contre vous en son jugement. » Certes, Charlotte de Laval soutenait une funeste cause, mais comment ne pas admirer la scène superbe que nous a fait connaître d'Aubigné? Dans le parti huguenot encore, la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, fille de Marguerite d'Angoulême et femme d'Antoine de Bourbon, Élisabeth de Royes, mariée au prince de Condé, encourage leurs époux à embrasser ouvertement et activement le protestantisme. Lorsqu'Antoine de Bourbon revient au catholicisme, et qu'il veut contraindre sa femme à suivre son exemple, elle résiste. Il l'éloigne de lui et lui prend son fils pour le faire élever dans la religion catholique. Mais avant de partir, Jeanne adjure l'enfant de ne point aller à la messe, le menaçant de le renoncer pour son fils s'il lui désobéit. Dans les seigneuries des Pyrénées qui lui restent soumises, elle prête son appui aux protestants de la Guyenne. Bientôt elle devient veuve. Sa foi intolérante éclate avec violence. Elle interdit l'exercice du culte catholique dans son royaume de Navarre. Elle chasse les prêtres. Son fils, Henri de Navarre, n'a pas 15 ans, et déjà elle l'arme de sa main. Elle le conduit à La Rochelle auprès du prince de Condé. Elle-même soutient énergiquement la lutte. Après l'assassinat du prince de Condé, Jeanne se montre dans une plus touchante attitude. Elle amène devant les Huguenots réunis à Tonnerre-Charente son fils et son neveu, le fils de la victime, et les présente à cette armée comme les vengeurs de Condé. La harangue qu'elle leur adresse jointe à une énergie virile la séduction qu'exercent les larmes d'une femme. Son fils jure d'être fidèle à la cause proscrite, et le serment du jeune prince est répété par les voix enthousiastes des soldats. Henri est proclamé chef de l'armée, et Jeanne consacre ce souvenir par une médaille d'or portant la double effigie de la mère et du fils. Pax certa victoria integra, mors honesta, paix assurée, victoire entière, mort honorable, disait la légende. Noble devise que plus tard devait rappeler à son fils une autre mère, l'une des héroïnes que la maison de Rohan donna au siège de La Rochelle. Cette devise était digne de cette fière Jeanne d'Albret, qui, alors que le mariage de son fils avec la sœur du roi de France était négocié, déclarait éloquemment qu'elle sacrifiait sa vie à l'État, mais non pas l'âme de son fils à la grandeur de sa maison. Elle se trompait dans la croyance à laquelle elle se dévouait. Mais dans ce siècle où tant de passions égoïstes étaient en jeu, elle obéissait du moins à ce principe qui met au-dessus de toutes les ambitions humaines les intérêts de l'âme immortelle. En déplorant les erreurs de Jeanne d'Albret, n'oublions pas que nous devons Henri IV à une mère qui lui apprit à devenir un grand homme en le nourrissant de la lecture de Plutarque. Redisons avec d'Aubigné qu'elle n'avait de femme que le sexe, l'âme entière aux choses viriles, l'esprit puissant aux grandes affaires, le cœur invincible aux adversités. Et ajoutons cependant qu'avec Charlotte de Laval et Élisabeth de Roye, elle n'apparut dans la vie politique de la France que pour attiser le feu de la guerre civile. Ce n'était pas seulement dans les luttes religieuses que la violence se rencontrait chez les femmes. Cette violence se respirait dans l'air. À une époque où les combats singuliers devenaient une plaie pour la France, on vit la veuve d'un gentilhomme tué en duel poursuivre avec une implacable persévérance la mort du meurtrier. Celui-ci est traîné au supplice, et à ce moment même, la grâce royale le sauve. Alors la veuve va se jeter aux pieds du roi, et lui présentant son petit enfant, « Sire, dit-elle, au moins, puisque vous avez donné la grâce au meurtrier du père de cet enfant, je vous supplie de la lui donner dès 7 heures, pour quand il sera grand, quand il aura eu sa revanche et tué ce malheureux. » Dû depuis à ce que j'ai ouï dire, la mère tous les matins venait éveiller son enfant, et en lui montrant la chemise sanglante qu'avait son père lorsqu'il fut tué, elle lui disait par 3 fois « Advise-la bien, et souviens-toi bien, quand tu seras grand, de venger ceci, autrement je te déshérite. » Quelle animosité, s'écrie Brantôme. Mais pourquoi s'en étonnait-il? Ne voyait-il pas ses contemporaines se jouer de la vie des hommes, fût-ce même pour satisfaire un caprice insensé? L'une, en passant devant la scène, laisse tomber son mouchoir à l'eau, et le fait chercher par M. de Genlis, qui ne savait nager que comme une pierre. Une autre jette son gant au milieu des lions que François Ier fait combattre devant la cour, et elle prie le vaillant M. de Lorge de le lui rapporter. Celui-ci y va bravement, mais si la dame de ses pensées a éprouvé son courage, elle a du même coup perdu son affection, s'il faut en croire la tradition suivant laquelle il lui aurait jeté son gant au visage. Brantôme me dit avec raison que ces femmes eussent mieux fait de se servir de leur pouvoir pour envoyer leurs chevaliers sur un glorieux champ de bataille. Ainsi fit Mademoiselle de Pienne, l'une des filles d'honneur de la reine. Pendant que Catherine de Médicis encourage de sa présence les opérations du siège de Rouen, Mademoiselle de Pienne donne son écharpe à Monsieur de Gergès. Il se fait tuer en la portant. À la bataille de Dreux, Monsieur Desbordes, envoyé à un poste périlleux, dit en y allant « Ah, je m'en vais combattre vaillamment pour l'amour de ma maîtresse, ou mourir glorieusement. » À ce, il ne faillit, car ayant percé les 6 premiers rangs, mourut au 7e. Un autre gentilhomme déclarait qu'il se battait bien moins pour le service du roi, ou par ambition, que pour la seule gloire de complaire à sa dame. Ce sont là de ces traits que nous a souvent offert le Moyen-Âge, et que nous aimons à retrouver dans cette cour païenne des Valois, qui n'avait guère de chevaleresque que ses brillants dehors. Ainsi que le juge Brantôme, les belles et honnêtes femmes aiment les hommes vaillants, qui seules peuvent les défendre. Et les hommes braves aiment, eux aussi, les femmes courageuses, qui n'ont jamais manqué au pays de Jeanne d'Arc et de Jeanne Hachette. Même à cette époque d'affaissement moral, la France continuait à enfanter des héroïnes. Les femmes faisaient les actes d'un homme, montaient à cheval, portaient le pistolet à l'arçon de la selle, et le tiraient et faisaient la guerre comme un homme. Si le triste champ de bataille des guerres religieuses fut témoin de ce courage guerrier, la lutte contre l'étranger lui donna un plus digne emploi. Les femmes de Saint-Riquier et celles de Péronne imitent glorieusement Jeanne Hachette et ses compagnes. Madame de Balagny concourt vaillamment à la défense de Cambrai et meurt de chagrin quand elle voit tomber au pouvoir de Charles Quint la ville qu'elle regarde comme sa principauté. Suivant une autre version, elle se serait tuée. Le suicide ternirait alors la mort de cette héroïne. En expirant, elle disait à son mari « Apprends donc de moi à bien mourir, et ne survivre ton malheur est ta dérision. » « C'est un grand cas, dit Brantôme, quand une femme nous apprend à vivre et mourir. » Le règne réparateur de Henri IV ferme les plaies des guerres civiles et rend la France prospère à l'intérieur, respectée à l'extérieur. Mais ce grand prince est assassiné, et la régence du royaume est confiée à une femme qui, par l'étroitesse de ses idées, le peu d'élévation de son âme, la faiblesse et la violence de son caractère, est indigne de soutenir l'héritage politique de Henri IV, et qui remplacera la fermeté absente par l'entêtement d'un esprit aveuglé. Au moment où Marie de Médicis devient veuve, un terrible soupçon pèse sur elle. On ne la croit pas étrangère à l'assassinat du roi. Elle pleure son mari cependant, mais avant tout, elle cherche à assurer son pouvoir de régente, et pour y parvenir, elle relève la féodalité que domptait Henri IV. Elle comble d'honneur et d'argent les grands du royaume et leur livre le trésor royal que la sage administration de Sully avait enrichi. Par ses prodigalités, la régente contiendra-t-elle au moins les grands seigneurs? Non, elle les exaspère par la faveur exorbitante qu'elle a accordée à un aventurier italien marié à sa femme de chambre. Complètement étranger au métier des armes, cet aventurier, Concini, le nouveau marquis d'Ancre, est maréchal de France. Cette femme de chambre, Léonora Galiguet, trafique honteusement de tous les emplois. Par trois fois, les princes se révoltent, et si la seconde fois, la reine trouve assez d'énergie pour marcher avec le jeune roi à la rencontre des rebelles, ceux-ci ont trouvé dans la première de leurs révoltes et trouveront encore dans la troisième les titres les plus puissants pour obtenir de nouvelles faveurs. Marie de Médicis détruit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur l'œuvre de Henri IV. À ses sympathies sont acquises à cette maison d'Autriche dont le feu roi a poursuivi l'abaissement. Louis XIII fait assassiner Concini. La maréchale d'Ancre est exécutée. Marie de Médicis, éloignée de la cour. Luynes, le favori du roi, a remplacé Concini. Cette fois encore, les princes se révoltent. Mais cette fois, la reine est leur appui, et elle va plonger le pays dans la guerre civile. Après une escarmouche, la paix se rétablit. La mère et le fils se réconcilient. Le duc de Luynes meurt. Marie de Médicis reprend quelque influence, et ce n'est pas tout d'abord pour le malheur du pays. Elle ramène au pouvoir l'évêque de Luçon, Richelieu, qu'avant sa disgrâce elle avait fait nommer secrétaire d'État, et qui l'a suivi dans sa retraite. Tant que son protégé ne lui porte pas ombrage, elle s'associe à la politique vraiment nationale de Richelieu, et sacrifie au ministre jusqu'à ses sympathies espagnoles. Mais bientôt l'irascible princesse regrette la toute-puissance de Richelieu, et se plaint de son ingratitude. Assez influente alors pour que le roi, avant de partir pour l'expédition d'Italie, lui confie la régence des provinces situées au nord de la Loire, elle n'a pu réussir cependant à empêcher une guerre qui lui est pénible. Plus tard, elle voudra la paix à tout prix avec la maison d'Autriche. Mais l'influence de Richelieu l'emporte heureusement pour que cette paix soit faite à l'honneur de la France. Contre le ministre, Marie de Médicis a trouvé une alliée dans sa belle-fille Anne d'Autriche. Au retour de la guerre d'Italie, Louis XIII, dangereusement malade, est entouré des tendres soins de sa mère et de sa femme. Toutes deux profitent de la reconnaissance du roi pour perdre le cardinal. Marie de Médicis touche à son triomphe, et quand, revenue à Paris, elle reçoit dans son palais du Luxembourg la visite de Louis XIII, elle tente un dernier assaut. Tout à coup, elle voit apparaître à la porte de sa chambre la robe rouge du cardinal. Sa colère éclate plus violente que jamais. Marie de Médicis somme le roi de choisir entre la reine sa mère et le cardinal. Le ministre, l'homme de vieille race, qu'elle ose nommer un valet.